Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le rêve, une réalité. Une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a nos nuits qui nous échappent et notre inconscient qui s'emballe. Il y a cette fois où je volais dans les airs montée sur des skis et cette mystérieuse fabrique des songes qu'est notre cerveau. Alors pour commencer, les personnages. Une médecin qui veille, une autre qui raconte ses rêves, une autre qui contrôle des enregistrements, un psychanalyste qui explique, pas trop Freud pour une fois, un chercheur qui note ses rêves et une femme qui rêve de sa mère. Ensuite, le décor. L'unité pathologie du sommeil à la Pitié-Salpêtrière, des phases, des cauchemars, un lion, un camion, le désir, des enregistrements inouïs, les rêves de Jouvet, d'autres in utero et le sommeil paradoxal. Aujourd'hui, premier épisode, on ferme les yeux. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. C'est juste, oui. On est arrivé comment ici? Eh bien, on sort à peine de... Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment? On est en train de rêver. Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, autour. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme. La mécanique des songes. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Unité des pathologies du sommeil, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Hospitalisation, un endroit vraiment important, c'est Isabelle Arnieux, les infirmières ici surveillent les tracés de nuit. Parce qu'en fait, le principe dans le sommeil, c'est que le médecin n'est pas là. Le malade ne sait pas ce qu'il fait, donc on est obligé de les mettre dans des chambres, dans des lits, et de les regarder dormir, de mettre des capteurs pour savoir ce qui se passe, en fait. Et en particulier, de regarder des personnes qui extériorisent leurs rêves pendant leur sommeil, ou même de simplement regarder les visages des dormeurs, ce que personne n'avait regardé avant, sauf chez les bébés. On savait que les bébés rigolaient dans leur sommeil ou avaient des expressions de peur, etc. Et nous, on a fait la même chose chez l'adulte. On enregistre aussi avec des micros d'ambiance ce qui se passe la nuit. Et puis, il y a des gens qui parlent dans leur sommeil. Et ça, c'est un accès assez direct à ce qui est en train de se passer dans leur cerveau. J'étais dans un hôpital pédiatrique et j'étais interne en médecine. Madame B. Ce qui correspond en fait un peu à mon métier. Donc j'étais là et je n'avais absolument rien à faire, mais déjà la situation était désagréable. Je n'avais pas mon stéthoscope, je ne savais pas quoi faire. Et bon, je faisais un peu n'importe quoi. Mais il n'y avait personne à soigner. Et au moment de partir est arrivé une sorte de monstre. Un homme avec un corps de taureau. Et ce corps était complètement dépecé, ouvert, sanguinolent. Et cet homme, taureau, sorte de centaure, si vous voulez, convulsait, hurlait, se retournait. C'était quelque chose d'épouvantable que personne, évidemment, n'avait jamais vu. Et à ce moment-là, une chef de clinique me confiait le rôle de poser une perfusion à ce centaure monstre qui bougeait dans tous les sens. Et évidemment, je n'y arrivais pas. Alors je crois que le rêve s'est terminé comme ça, avec cette image d'un homme écorché qui m'a hanté pendant plusieurs jours. Ce matin, je sais que c'est le jeudi. Ah, les du spicy, oui. Il est à chambre 406. Et est-ce qu'ils y sont en ce moment? Je ne veux pas être un spaghetti. Quand on dit lit le sommeil, on le déchiffre comme de la musique, en fait. Hein. Et c'est encore manuel, on est encore page par page. Là, vous voyez Ginevra, elle avance certes vite. Vous voyez des filets à l'écran, des époques de 30 secondes et elle affecte un stade de sommeil. Elle a le choix entre l'éveil 0, le stade 1 qui est la phase juste d'endormissement, celle où on a ces espèces d'images qu'on appelle imagerie hypnagogique qui s'impose à nous petit à petit. Puis ensuite le sommeil lent léger, phase 2 qui correspond à 55% de la nuit, donc on passe beaucoup de temps dans un sommeil léger. Là, une fois sur deux, si on réveille le dormeur, on a des souvenirs de rêve. C'est des rêves assez proches de la réalité, assez ordinaires. Ensuite, le sommeil profond vient de passer. Ces grandes ondes correspondent à un moment de relaxation maximale du cerveau. C'est dur de nous réveiller dans cette phase-là. C'est la phase où on se réveille, si on a un bruit ou quelqu'un, un coup de téléphone, on n'est pas très bien. On a le cœur qui bat vite, on ne sait pas trop où on est. Vous voyez, cette phase de sommeil lent profond. Et là, il y a peu de souvenirs. Il y en a parfois, c'est des souvenirs assez courts, assez brefs. Et les maladies où on recueille beaucoup de choses, par contre, de souvenirs à ce moment-là, c'est les somnambules ou les gens qui ont des terreurs nocturnes et qui, eux, ont des scénarios brefs, catastrophiques, dans la tête. Le plafond s'écroule, un tsunami arrive sur eux. Là, la personne vient de se réveiller. Se cache même sous ses draps. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, l'image de son rêve, elle y croit. Vous voyez, elle ouvre les yeux et elle y croit. Elle la voit sur la pièce. Et il lui faut un petit moment pour réaliser que c'est faux, que c'est qu'un rêve. Voilà, un monsieur qui a un camion qui lui fonce dessus dans son rêve, ou qu'il est en sommeil lent, pas paradoxal. Et donc, comme toujours dans ces rêves-là, le camion est dans la chambre. Ça ne les choque pas du tout que, voilà, qu'il y ait un camion dans une chambre. Il est endormi, très calme. Là. Et puis, brutalement... Pendant quelques secondes, il a vraiment cru que le camion lui fonçait dessus. Et il a crié au secours trois fois. Vous voyez se rendormir maintenant. Ça vient toujours d'un sommeil très profond. On est très calme, les terreurs nocturnes. Et puis au bout d'une heure et demie, la personne va passer dans la phase paradoxale. J'essaie de regarder si... je vois pas beaucoup de paradoxal encore. Et lui, il est venu pour RBD, suspicion de RBD. RBD, c'est des initiales, REM Sleep Behavior Disorders. On le dit toujours en anglais, c'est plus simple. En français, ça s'appelle trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est ces personnes qui ont le verrou qui nous paralyse dans la phase paradoxale qui ne fonctionne plus bien. Et du coup, elles vont extérioriser leurs rêves de façon assez visible. Alors, ça peut donner des petits mouvements, des paroles dans le sommeil, alors que la personne est endormie. Ici, j'ai une patiente qui a un rêve religieux. Elle fait des signes de croix, là. Ça se construit petit à petit, le rêve. Et elle disait Satan, Jésus-Marie, du Père et du Fils. Et elle, c'est une personne d'origine des Antilles. Vous reconnaissez l'accent. Les accents sont conservés pendant le sommeil. C'est un accès assez direct, une petite fenêtre. Vous avez vu, elle est brève, de temps en temps, au rêve en cours. Et de temps en temps, on a des scénarios qui se déroulent, qui sont assez longs et qui nous permettent de... savoir presque, sans que le dormeur le sache lui-même, à quoi il rêve. C'est absolument comme un film, en fait. Toby Nathan. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous projette un film, et vous êtes en train de le regarder, et ça se voit parce que vos yeux se mettent à bouger en fonction du récit du film. C'est quand même hallucinant, cette affaire. Le rêve, j'imagine, existe infiniment plus longtemps que le cinéma, évidemment. Et qui est le cinéaste ? C'est jamais le rêveur. Le rêveur n'est jamais en train de produire le film. Il est toujours spectateur et parfois acteur du film, mais jamais metteur en scène du film. Donc c'est comme si le rêve était quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est projeté devant les yeux du spectateur. C'est pour ça que les yeux sont fondamentaux dans le fonctionnement du rêve. Je suis dans une cabane, dans des arbres. Je suis assise et à un angle dort un lion. à côté d'un tapis. Et alors ce lion, c'est bizarre parce que j'ai le sentiment qu'on vit ensemble, mais c'est pas un lion apprivoisé ou un truc un peu mignon, j'ai réussi à dompter le lion sauvage, c'est vraiment une cohabitation dans le respect parce que ça nous arrange, mais voilà, ça reste un animal sauvage. Et tout d'un coup, je commence à avoir peur de lui. Il devient complètement féroce et là je saute de la cabane et je le fuis, il me court après. Je vois un ravin un peu plus loin et je lui tends un piège, je lui fais face. Et au moment où il me saute dessus, je le pousse dans le ravin et il tombe dans le ravin et quand il heurte le sol, je me réveille. Ce rêve-là, je l'ai fait quand j'étais, il n'y a pas très très longtemps, à la fin de mon école de commerce. Donc il y a un peu plus d'un an, au moment où j'allais annoncer à mes parents que je changeais de voie et j'allais faire du cinéma. Voilà. Du coup, c'était peut-être un peu une manière de me débarrasser de ce qui me faisait peur depuis un moment. De leur dire, d'affronter le fait que j'avais choisi ma voie, quoi. Après, les rêves de sommeil paradoxal se distinguent des rêves du sommeil lent par leur côté plus long, plus imagé, plus scénarisé, avec beaucoup plus de sensations qui sont mises en jeu, audition, toucher, image, et beaucoup plus d'émotions que les rêves de sommeil lent. Et des émotions qui sont d'ailleurs principalement négatives. Et ça, c'est un point qui a été trouvé assez tôt, dans les années 50-60, au début de la psychométrie du rêve, quand il y a eu les grandes banques de rêves faites par Alevan Cassel et par d'autres chercheurs nord-américains. Ils se sont rendus compte assez vite qu'un peu plus de deux tiers, jusqu'à 80% des rêves étaient plutôt négatifs. Donc l'image un peu d'épinal du beau rêve où on est sur des nuages roses et tout va bien, c'est finalement pas la majorité des rêves. La majorité des rêves est plutôt préoccupée, plutôt en lien avec le quotidien des personnes. Là, il y a plus d'une centaine de recherches qui convergent pour le montrer, avec beaucoup d'intégration de phénomènes récents de la veille et de l'avant-veille. Allô, j'écoute. C'est-à-dire que c'est pas les éléments de la journée qui apparaissent, c'est souvent les éléments des jours qui précèdent. Et ces éléments-là, vous allez les recombiner et vous allez faire un nouveau film. Et si votre film est identique à la réalité, je vous hospitalise. C'est que ça va très mal. C'est-à-dire, si vous rêvez exactement ce que vous avez fait dans la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout chez vous et que vous êtes mélancolique, quoi, en fait. Hein. Vous avez les chocottes après. Hein. C'est pas fait pour ça. La fonction du rêve, c'est justement de produire de l'inattendu. Et donc, c'est pour ça qu'ils combinent des choses qui sont pas combinables. Mais qui est-ce qui agit dans tout ça ? Alors ça... Il est endormi, là, les yeux fermés, en sommeil paradoxal. C'est long, hein. Général. L'intérêt du rêve, c'est pas qu'il vous raconte votre passé, hein. C'est qu'il est capable d'inventer et de vous projeter ça comme si c'était une réalité, parce que ça, c'est vachement important dans le rêve. C'est ce que vous voyez dans le rêve, au moment où vous le voyez, c'est pas un rêve, hein. C'est la réalité vraie. N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? Ça ne peut pas être... Être quoi ? Réel ? Ça entre en duplication. Époque ? Toujours rien. C'est froid. C'est froid. Tank, il nous faut un signal d'urgence. Attention, fibrillation. Époque, localise-le. Le signal est presque en phase. Bienvenue dans le monde réel. Est-ce qu'on peut voir en rêve des choses qu'on n'a pas vues dans la réalité? Est-ce qu'il y aurait une sorte de banque intérieure primitive dans laquelle on puiserait des choses? C'est difficile de répondre à cette question. On peut y répondre, par exemple, j'ai une patiente qui me rapporte un rêve où elle voit une cascade qui coule à l'envers. C'est pas une chose qu'elle a vue dans la réalité. Par contre, elle a l'image de la cascade tournant à l'endroit et son cerveau est capable d'imaginer l'inverse, vous voyez. Donc penser que ça puisse venir d'un autre monde, comme le pensent les religieux ou les anciens, est difficile à prouver. Par contre, que ça puisse être des constructions mentales, des images mentales, ça c'est possible. Certains disent qu'ils voient des couleurs dans leurs rêves qu'ils n'arrivent pas à traduire dans la réalité. Il n'y a pas une espèce de réservoir d'images dans notre cerveau qu'on n'aurait pas vu avec les yeux et qu'on utiliserait en rêve. Mais d'où ça vient qu'on forme des scénarios imaginatifs aussi complexes? On est capable de le faire en imagination aussi, quand même. Non. Where's that music coming? Oh, never mind, darling. It's just that I'm very much. Like you told me you played every night. Je l'ai fait la première fois donc quand j'avais 5 ou 6 ans. Et parfois, je changeais de rôle. Donc, la première fois que je l'ai fait, j'arrivais un peu dans une sorte de désert face à ce que j'appelle un pâté de maison. Mais en fait, c'est des immeubles disposés de manière circulaire, au milieu desquels je rentre et j'arrive sur une place. Alors, j'observe un petit peu d'abord l'architecture du lieu. Les images de mes rêves sont toujours assez riches, donc j'aime bien les découvrir, on va dire. Donc il y a des gens qui font leurs affaires sur cette place. Et au moment où j'atteins l'autre extrémité de la place, tous les villageois courent chez eux, rentrent. C'est la panique générale. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et un villageois m'emmène avec lui chez lui et va me cacher derrière une commode à l'intérieur de son mur. C'est apparemment sa cachette et chaque villageois a une cachette. Et m'explique que, tous les soirs de pleine lune, le village est visité par un homme-oiseau qui arrive et qui choisit un villageois et qui l'emmène avec lui et on ne le revoit jamais. Et donc c'est la grande terreur du village. Et dans ce rêve-là, parfois je change de point de vue. C'est-à-dire que là, je suis cachée dans mon mur, mais je vois quand même l'homme-oiseau arriver au milieu de la place. Je le vois regarder les façades des immeubles, je le vois rentrer dans un immeuble. Cet immeuble-là, c'est celui dans lequel je suis cachée. Je suis toujours dans mon mur, mais je le vois monter les escaliers. Et puis, il finit par, très très facilement trouver la cachette, pousser la commode, ouvrir le mur, nous voir, le villageois et moi, et finalement, s'en aller. Et là, je me réveille. Il y a des moments où je rêve que je suis un villageois qui moi-même cache quelqu'un. Il y a des moments où je rêve que je suis un villageois, mais il n'y a personne à cacher. Et il y a aussi des fois où j'ai fait ce rêve en étant l'homme-oiseau lui-même. J'étais lui, en fait. Et du coup, je rentrais dans la place, je choisissais quelqu'un et je l'emmenais. Je le connais, ce pont. C'est un pont qui existe déjà, pas vrai? Ouais, je le traverse tous les jours pour aller à la fac. De jamais recréer des endroits de mémoire, toujours imaginer de nouveaux lieux. Faut bien s'inspirer de trucs qu'on connaît, non? Juste pour des détails, genre une cabine de téléphone, un lampadaire, mais jamais un lieu entier. Pourquoi? Parce que construire un rêve à partir de souvenirs, c'est radical pour perdre toute notion de ce qui est réel et de ce qui est rêvé. C'est ça qui vous est arrivé? Bon, écoutez-moi, ça n'a aucun rapport avec moi, compris? C'est pour ça que vous avez besoin que je construise vos rêves? Hé, toi, lâche-la! Bas les pattes! Hé! Hey, bas les pattes! Stop! Lâchez-la! Laissez-moi! Ben! Stop! Ben! Réveillez-moi! Réveillez-moi! On parle du non-conscient, c'est-à-dire du traitement non-conscient des informations. Dans une journée, on a plein d'informations qui arrivent dans notre cerveau, mais elles n'accèdent pas toutes à une conscience au sens que je peux la rapporter. Je ne suis pas capable de rapporter tout ce que j'ai vu dans une journée. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas imprimé de façon non-consciente dans mon cerveau. Mais l'inconscient au sens d'une espèce de chose qui a une autre existence que ce qu'on a vécu ou eu, non, je ne vois pas. Et donc dans ce domaine-là, Freud disant les rêves sont l'expression des désirs inconscients, ça a parlé au grand public. Ça colle pas bien avec ce qu'on sait actuellement sur les rêves, qui sont plus négatifs que positifs, mais pourquoi pas de temps en temps des rêves agréables, de choses qu'on ait désirées. Le gros inconvénient, c'est que en France, en tout cas, et dans pas mal de pays, ça a pris toute la place de la recherche sur le rêve. Ça a un petit peu étouffé la psychométrie, c'est-à-dire la mesure de ce phénomène-là, sans aucune interprétation. On est au premier degré. Qu'est-ce qui se passe en réel ? Et tout de suite, les personnes sont sautées à l'étape d'au-dessus, qui est qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre que ce que ça veut dire ? C'est déjà tellement compliqué au premier degré que le deuxième degré, c'est complètement de l'imagination. À l'heure actuelle, en science des rêves, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et même s'il y a une théorie derrière qu'on connaît, hein, c'est la théorie freudienne, et que c'est difficile de dire que ce n'est pas la psyché, c'est évidemment le cerveau et la pensée du cerveau qui est à l'œuvre pendant le sommeil, et il y a des côtés très cognitifs, des côtés très émotionnels, des côtés... Ça, on est d'accord. Mais l'interpréter, comme on l'entend parfois, surtout dans le grand public, on ne peut pas faire ça. Le rêve n'échappe pas à une approche scientifique. Enfin, je ne vois pas pourquoi il échapperait, pas plus que la douleur, que d'autres choses qu'on ne voit pas et que les gens rapportent. 6, 10, 12, tous connectés, putain. Ils viennent tous les jours partager le rêve. Ils rêvent pendant combien de temps ? 3, 4 heures, chaque jour. Et en temps rêvé ? Avec ce qu'on faisait ? Environ 40 heures chaque jour que Dieu fait. Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Au bout d'un moment, on ne peut plus rêver que comme ça. Vous rêvez encore, monsieur Cobb ? Ils viennent ici tous les jours pour dormir ? Non, c'est pour être réveillés qu'ils viennent. Désormais, le rêve est leur réalité. Quatrième étage. Le rêve, pendant longtemps, a été une sorte de domaine réservé de la psychanalyse, pendant très longtemps. Pour une raison assez simple, c'est qu'au fond... Freud a réhabilité le rêve, quoi. C'est la voie royale vers l'inconscient, ça c'est 1899 quand il commence à parler de ça. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu comme une sorte de domaine réservé. On a pensé que seuls les psychanalystes savaient parler du rêve. Il y a un malentendu là-dedans parce que les psychanalystes ne s'intéressent pas au rêve pour lui-même. Ils s'intéressent au rêve dans la mesure où il les conduit à l'inconscient. Ce qui les intéresse, c'est la psychanalyse, c'est pas le rêve, hein. Donc, à part l'étude Princeps de Freud, qui date, comme je vous le disais, de 1899, il y a eu quelques autres études de rêve, mais il n'y a eu aucune avancée psychanalytique sur le rêve, quoi. Et c'est comme si c'était réglé, on avait fait ça, hop, c'est terminé. Les Jungiens, eux, ont gardé un intérêt sur le rêve. C'est un intérêt sur le rêve qui, moi, je trouve, il fait un peu vintage, quoi. Les symboles, les trucs comme ça. Il y a des gens que ça intéresse beaucoup, hein. Moi, c'est pas du tout ma tasse de café. Et donc, pendant très longtemps, c'est resté comme ça. Et moi, j'attendais quelqu'un qui s'intéresse au rêve pour lui-même. Et c'est arrivé à peu près en même temps que le début de mes études de psycho, hein, c'est-à-dire dans les années 60. Et là, il y a eu des découvertes absolument extraordinaires et qui ont totalement modifié le champ de recherche sur le rêve. Enfin, on pouvait s'intéresser au rêve pour lui-même. C'est très important de dire que Freud ne connaît pas le sommeil paradoxal, ça va de soi. Il n'a pas été découvert au moment où Freud écrit. Donc, tout ce que raconte Freud sur le rêve, une fois qu'arrive le sommeil paradoxal, bon, on revoit la copie, quoi. C'est pas possible, ça peut pas tenir, quoi. C'est autre chose. Un bateau dans une forêt qui cherche sa mère, maman. Ou la mer, l'océan. C'est un jeu de mots, tu vois. La forêt est dans le bateau. C'est génial. Une sorte de tache de Noé végétal. Le bateau est dans la forêt et il cherche sa mère. Ah, ok, mais le coup de la forêt à l'intérieur du bateau, ce serait peut-être... Je trouve que c'est génial comme idée. Ah oui, les feuilles poussent et finissent par accrocher le vent et on voit le bateau qui s'en va. Tu vois la mer, d'accord ? Le sommeil... Michel Jouvet. ...protège, contrairement à Freud, le sommeil garde le rêve et le prépare et le protège et... est responsable de mettre de côté des mécanismes énergétiques pour que le système marche. C'est à partir des années 1980 Jacqueline Carroy. Que la psychanalyse va marquer le pas concernant l'explication des rêves. Alors, de deux manières différentes. Avec les travaux de Jouvet, donc neurobiologiste, et puis aussi avec des travaux d'ethnologues, d'anthropologues, de sociologues et d'historiens. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Roger Bastide, qui était un sociologue, avait voulu faire une sociologie des rêves. Et c'est le moment aussi où vous avez des historiens qui commencent à faire une histoire des rêves au Moyen-Âge. Et Jacques Le Goff dit, bon, il faut essayer de comprendre les rêves dans leur contexte, dans leur culture, et pas essayer de comprendre a posteriori les rêves et de faire une interprétation freudienne sur un rêve de Saint Thomas. Enfin, je sais pas, je dis Saint Thomas un peu au hasard, mais voyez. Et puis il y a aussi Michel Foucault qui s'intéresse justement à Artémidore et lui propose une interprétation quand même très critique sur la psychanalyse par rapport à Artémidore. Parce qu'au fond, il nous dit la chose suivante. Vous savez, dans Artémidore, il y a des rêves sexuels, des rêves incestueux. Le rêveur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça présage quand le rêveur couche avec sa mère, etc. Et alors, cela présage des gains d'argent, par exemple. Enfin, je sais plus exactement dans Artémidore, mais c'est ça. Et donc, ce que nous dit Foucault, c'est qu'en fait, là, l'interprétation chez Artémidore n'est pas une interprétation sexuelle, puisque la sexualité, elle est présente dès le départ. Mais ce qu'il faut interpréter, c'est plutôt en termes de social. Donc vous voyez qu'il retourne en quelque sorte la psychanalyse. La psychanalyse nous dit, vous avez un rêve anodin, mais en fait, ça renvoie à votre enfance et à votre sexualité infantile. Et là, c'est exactement l'inverse que nous dit Foucault. Et donc, de fait, les analyses que fait Foucault d'Artémidore sont des analyses assez critiques sur la psychanalyse. Donc c'est un moment où, à certains égards, la psychanalyse est triomphante et je pense sous l'influence de Lacan quand même, qui va en quelque sorte donner un statut de fondateur absolu à Freud. Donc là, c'est vraiment un moment où en France, notamment, il y a une sorte de lacanisme triomphant. Et en même temps, c'est le moment, dans ces années 1970-1980, où on commence à, au fond, contester la psychanalyse de deux manières différentes. D'une manière neurobiologique, enfin, pour schématiser très très vite, et puis d'une manière qu'on pourrait appeler social, culturel, ethnologique et anthropologique. À partir de quel moment vous avez commencé à noter vos propres rêves ? 70. Parce que un jour, je me suis réveillé avec des rêves qui étaient tellement étrangement curieux que j'ai mis numéro 1. Et puis maintenant, malheureusement, c'est tout à fait c'est assez curieux. Depuis 2 mois, presque, je ne rêve plus du tout. Je le savant fou qui étudie ses rêves et qui n'en a plus. J'en suis à 5880. J'aimerais bien arriver à 6000, mais peut-être ça va s'arrêter, ce qui serait une excellente histoire à raconter. Donc voilà un qui est un rêve de lévitation. 1112. Je rêve que je vole sur une forêt. À certains moments, je rêve de l'eau. Il est aussi question de lutte contre d'autres individus volants. C'est ce qu'il a appelé son onirothèque, c'est-à-dire la bibliothèque de ses rêves, Claude Debrue. Des rêves de Michel Jouve et de ses propres rêves. Dans un désert, je suis une route de plus en plus mal tracée. À la fin, je m'égare et je dois trouver ma place en faisant attention à un précipice où il y a des serpents. Dans une faculté de médecine moderne, tout en verre, genre Strasbourg, un étudiant se précipite sur moi. Il me prend pour un étudiant, mais il veut m'empêcher de rentrer. Je suis forcé de le pousser dehors et de refermer une porte sur lui. In ovo, c'est-à-dire à l'intérieur de l'œuf chez l'oiseau, et in utero envoie les petits embryons, les fœtus, qui présentent tous les signes qui seront plus tard les signes du sommeil paradoxal. Ils sont un petit peu différents. Et bien entendu, chez l'homme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un nouveau-né qui vient de naître présente tous les signes du sommeil paradoxal sans que, bien sûr, on ne puisse savoir à quoi il rêve. Oui. Donc c'est une machine qui fonctionne déjà in utero et qui est très importante lorsque le cerveau se construit et est immature. Voilà en quelque sorte l'histoire naturelle de ce sommeil paradoxal. Maintenant, si des gens nous écoutent et veulent savoir si on peut le reconnaître facilement, je leur dis que c'est extrêmement facile. S'ils ont un petit enfant qui dort, et bien ils n'ont qu'à le regarder à peu près 1h30 après qu'ils se soient endormis, et ils verront que Il va tout d'un coup ouvrir les paupières. Les globes oculaires vont bouger dans toutes les directions. Parfois très rapides, parfois plus lents, comme s'ils suivaient quelque chose. Les doigts vont un petit peu s'entrouvrir. Et puis si c'est un petit garçon, il va présenter une érection, alors que lorsqu'il dort, il n'y en a pas. Donc, et en même temps, la respiration va changer de rythme. But one day she flew away, Alors, le rêve paradoxal, c'est un terme qui est très français, puisqu'il a été découvert à Lyon par Michel Jouvet, ce sommeil paradoxal. Il faut bien comprendre la magie du rêve au cœur, surtout sur le plan physiologique. Alors, pourquoi le sommeil paradoxal? Qu'est-ce qui est le paradoxe? Benjamin Puton. Eh bien, paradoxalement, on a un cerveau, un système cognitif neuronal qui est très activé. Il consomme d'ailleurs plus de sucre et d'oxygène pendant qu'il rêve qu'à l'état d'éveil, hein, donc pour vous dire au combien il crée des réalités, là, à l'état d'éveil, vous êtes en train d'écouter cette émission, votre cerveau synthétise des informations, puis vous êtes en train de créer des réalités que vous régulez avec vos sens. Il faut savoir que dans le rêve, eh bien, vous créez aussi des réalités au même titre, si ce n'est que vous n'avez pas des régulateurs sensoriels. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de sucre, beaucoup d'oxygène qui est consommé par le cerveau. Donc, dit rapidement, le cerveau est vraiment en ébullition. Et paradoxalement, ce qu'avait découvert Michel Jouvet, eh bien, on a un corps qui est parfaitement muet, mutique. On parle d'atonie musculaire. Là, l'état d'éveil, vous êtes en train d'entendre des informations, vous créez des réalités à travers ce que vous voyez autour de vous, et puis vous répondez à l'environnement à travers votre corps. Eh bien, le rêve, on pourrait dire, est un éveil totalement désincarné. Votre corps ne répond plus du tout. C'est une atonie musculaire, c'est un repos le plus total. Alors, ce sommeil paradoxal, voilà, paradoxalement, bah, vous avez un cerveau en ébullition dans un corps, entre guillemets, qui est mort, hein, qui est vraiment au repos le plus important. Il y a une scène très étrange à Lascaux, où on voit un sujet qui est couché, en érection. Devant lui, il y a un roc qui est blessé, le ventre ouvert avec les entrailles qui dégringolent, sa lance brisée à côté de lui, et très très très curieusement, un petit oiseau qui a l'impression de sortir du corps de ce sujet. Or, une peinture d'un sujet couché comme ça en érection, ça représente indiscutablement quelqu'un qui rêve. Et le petit oiseau qui sort pourrait fort bien représenter la première représentation que toutes les civilisations ont eue au début, c'est-à-dire que l'âme sort du corps pendant le rêve. Et moi, je pense que le rêve n'a rien de mystique. Il permet des connexions avec des choses qu'on ne rencontre pas dans la vie. Par exemple, je vais vous dire, j'ai reçu des centaines de rêves. Et j'étais frappé par une chose, le nombre de gens qui rêvent de leur mort. C'est incroyable, quoi. Le seul endroit où on rencontre encore les morts, c'est dans les rêves. Et donc, le seul endroit où vous voyez des choses que vous ne voyez pas dans la vie, c'est dans les rêves. Et ils servent à rencontrer ce que vous ne pouvez pas rencontrer dans la vie. Le rêve 949. Je suis avec Freud. Je lui raconte que j'ai trouvé le code onirique. I'm yours, no matter what others may say or do. On perçoit dans ses carnets l'intensité de son activité onirique. Il se réveillait, il notait immédiatement. Il se greffait là-dessus l'intensité de son propre travail scientifique, de son propre intérêt scientifique. Et ça, c'est assez unique en science, parce que vous n'avez pas nécessairement cette relation très personnelle, très profonde, entre ce que vous vivez et ce que vous étudiez. Nous sommes des individus. Et à l'intérieur, justement, de tout cela, il y a quelque chose qui vient renforcer, qui fait que, pendant le rêve, quelque chose qui est un système qui est fabriqué par nos gènes, vient soit renforcer les choses que l'on a eues dans la journée qui sont en accord avec la génétique de l'inconscient, soit les effacer. Et dans ce cas, c'est la partie oubli. Ce qui fait que chaque nuit, quelles que soient les choses que vous avez apprises dans la journée, le rêve, de façon itérative, c'est-à-dire 4 ou 5 fois dans la nuit, va venir faire le ménage, de façon à ce que vous restiez l'homme singulier, l'individu que vous êtes. Et pour employer un autre mot, qu'est-ce qu'a dit Shakespeare ? Le rêve est le gardien de notre individuation. Ça fait quelque chose, hein ? Vas-y, alors ? Je repensais ce que j'ai fait à l'école, par chanson, qu'est-ce que c'est ? Moi, craché. Ah ! J'ai pris la merde. Il commence à attraper des choses dans la pièce, pas très habilement, hein. Parce que sa vision est très partielle. Mais vous voyez une bagarre, en fait. Hein, entre quelqu'un qui n'est pas là. En tout cas, que moi, je vois pas. Lui, il voit, clairement. Il dort, oui, bien sûr, il est endormi. Il est en train de rêver. Et à la fin, quand il va vraiment se réveiller, l'infirmière va rentrer, demander comment ça va. Il va regarder ce qu'il y a par terre et pas savoir qui a mis ça par terre. Comme s'il était... Il savait pas que c'était lui qui avait mis le bordel, quoi. Ce trouble comportemental en sommeil paradoxal, il nous a permis... petit à petit, de résoudre un certain nombre de questions qu'on se posait depuis longtemps sur les rêves, comme est-ce que les non-rêveurs rêvent ? Là, vous avez un non-rêveur qui rêve, alors que c'est une expérience intime. Hein. S'il dit « moi, je rêve pas », je devrais le croire. Donc ça veut juste dire que les non-rêveurs sont des non-rappeleurs. On s'en doutait, mais c'est bien de le prouver. On sait que plus les gens y prêtent attention, plus ils s'en souviennent. C'est un exercice, en fait, à faire. Dès le réveil, ça part très vite. C'est une mémoire... qui semble, on ne sait pas si elle part et si elle est rangée dans un disque dur et puis est-ce qu'on peut y accéder. Donc les gens se rappellent en moyenne d'un rêve par semaine, donc ce n'est pas très mémorisé. Si vous pensez que vous ajoutez 80% de récits de rêve en sommeil paradoxal, qui représente à peu près 100 minutes la nuit, 50% sur le sommeil lent, ça vous fait 5 heures de rêve par nuit à peu près. Hein. Et sur les 5 heures, on se rappelle de presque rien. C'est le temps en tout cas où on arrive à recueillir du rêve. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans les pointillés. On y passe 25 ans de notre vie, quand même, dans cet état-là. Et d'essayer de comprendre pourquoi on y passe autant de temps. Les animaux en ont aussi, les chiens courent dans leurs rêves. On n'y passe d'ailleurs pas assez de temps. Hein. Vous savez que les gens dorment de moins en moins, c'est un vrai problème. Ça aide à comprendre le cerveau humain. Pourquoi on a besoin de ça, finalement. Et reprends ton histoire depuis le début, parce que là, je suis complètement larguée. Hein. Bon, après, je suis en train de dormir. Je rêve d'une mante religieuse géante qui se bat avec une tortue. Sauf que la tortue, elle a une carapace argentée. C'est comme un disque laser, mais en bosse. Enfin, une carapace, quoi. Et elles se battent à propos d'un éléphant. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la suite. Si vous... diminuer le passage de l'air au niveau du larynx, ça produit un bruit nocturne qu'on appelle le stridor. Il y a un autre bruit qu'on appelle la catatrénie. On ne sait pas son origine, que font des jeunes et qui gardent souvent toute leur vie et qui se font virer des dortoirs à cause de ce bruit-là. Ce qui est frappant, c'est que tout le monde rêve. C'est-à-dire que vous apparteniez à une culture, si vous êtes un aborigène australien, si vous êtes un parigo, et ben vous rêvez pareil, la même quantité, avec les mêmes séquences, c'est surréaliste. Donc on dispose d'une banque de données fabuleuse dont on ne se sert pas. C'est-à-dire qu'il suffirait d'aller voir les aborigènes australiens et de leur dire « raconte ton rêve ». Étant donné que d'un point de vue neurologique, il se passe exactement la même chose pour lui et pour vous. Et pourtant, il en fait quelque chose de tout à fait différent, lui. Je pense, en tout cas pour la France est un pays qui est anti-rêve. Hein. La France a abandonné l'affaire à plusieurs reprises. Et la première fois, c'était sous l'Inquisition. Le rêve, c'est de la sorcellerie. C'est pas compliqué, ils avaient deux catégories de rêves. Les rêves qui sont envoyés par le diable et les rêves qui sont des visions divines. Les visions divines, si vous n'êtes pas moine ou saint, vous n'en aurez pas. Donc, surtout, si vous pouvez ne pas rêver. Ça, c'est l'Inquisition en France, hein, c'était ça. Puis est arrivée la période des Lumières, quoi. Puis on a dit, bah, c'est pas normal, ça. Le rêve, c'est nocturne, c'est de l'obscurité, c'est le contraire des Lumières. Et donc, surtout, il ne faut pas s'y intéresser non plus. Alors, pour une autre raison, parce que c'est irrationnel. Moi, je pense que le rêve, c'est tout à fait rationnel, ça n'a rien d'irrationnel, et que c'est pas du tout obscur, et c'est plein de lumière. C'est en tout cas la tradition française, c'était ça. Si vous regardez les neurosciences, qui ont commencé à s'intéresser aux rêves, au bout d'un moment, ils ont lâché l'affaire. Ils ne s'intéressent plus aux rêves, ils s'intéressent au sommeil. On comprend. Les financements, c'est sur le sommeil, c'est aussi sur les troubles de sommeil. Vous n'avez aucun labo qui va financer une recherche sur le rêve, pour quoi faire ? Si cette recherche sur le rêve débouche sur une façon d'avoir un médicament plus actif pour que le sommeil soit moins agité, etc., ils sont preneurs. Mais le rêve en lui-même, il y a très peu de véritables recherches sur le rêve. T'es là ? Non, je suis là-bas ! Là-bas ! Ça a marché ! Je ne suis pas un spaghetti ! Décris-moi comment c'est. Oh, je viens de retrouver la machine à remonter le temps. Elle est ici. Je dis parfois le contraire de ce que je veux dire. Elle fonctionne. Sur les différentes fonctions des rêves, d'abord, c'est difficile de les dissocier des fonctions du sommeil. Dans la mesure où le rêve est vraiment enchâssé dans le sommeil, sur les fonctions du sommeil, on sait que ça consolide la mémoire récente. Et donc, toute la discussion actuelle, c'est que est-ce qu'une partie de cette consolidation de ce qu'on vient d'apprendre ne passe pas dans nos rêves sous la forme de choses qu'on rejouerait ? On appelle ça le replay. Est-ce que je ne rejoue pas des choses de la journée ? Le rejouer à l'exactitude, probablement pas. Ça semble être plus intégré dans d'autres scénarios. Après, la deuxième fonction possible serait de simuler la menace. Le rêve est un terrain de simulation et de jeu virtuel parfait, dans la mesure où on évolue en trois dimensions, on interagit avec des personnes, on parle avec des personnes, on a des émotions très fortes, et surtout, il y a une adhésion au scénario, et les émotions qu'on ressent sont vraiment ressenties. Dans le sommeil paradoxal, chez nos patients qui extériorisent les rêves en sommeil paradoxal, là, c'est beaucoup de l'agression. La troisième fonction possible pourrait être l'empathie. J'ai un de mes patients, quand sa femme était enceinte, lui, il a accouché. Voilà. Ça, c'est une chose qu'on connaît en neurologie, qu'on appelle l'activation des neurones miroirs. Une partie de mon cerveau est capable de se mettre à votre place. Et donc, il est possible que nos rêves nous entraînent à nous mettre à la place des autres, et que c'est peut-être pour ça qu'on peut être autre chose dans nos rêves que nous-mêmes. On n'a pas parlé de la quatrième fonction qui pourrait être la créativité. Comment on peut trouver plus facilement des solutions ou plus d'idées grâce aux rêves ? Est-ce que ce sont par des associations inédites qui seraient pas possible en éveil parce que le cerveau est bridé dans une certaine forme de pensée pendant l'éveil, qui est une pensée focale, dirigée, et que là, on évolue dans une pensée défocalisée, dans un monde qui est très métaphorique, qui est très en image, avec des régions du cerveau qui ne travaillent pas, qui ne sont pas connectées de la même façon que pendant l'éveil. Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Quand je vous disais que les gens qui parlent la nuit sont souvent un peu vulgaires. On peut tous parler de temps en temps, bouger un petit peu, mais dès que c'est très fréquent, c'est plutôt des maladies, où les gens extériorisent leurs rêves. Et c'est plutôt des gens de plus de 50 ans. Alors c'est des choses évidemment qu'il faut souvent soigner parce que les gens comme ils se débattent, qu'ils crient, ils tombent du lit. Hein, ils se blessent et ils ont les yeux fermés quand ils font ces comportements. Du coup, ils voient pas le mur, ils donnent des coups de poing. Et comme ils peuvent être engagés dans des scénarios de rêve qui sont parfois cauchemardesques, ils peuvent déployer une force colossale. Et ils peuvent blesser leurs conjoints, ils peuvent se blesser eux. On sait restaurer une partie de ce verrou nocturne avec des produits essentiellement. On les surveille comme du lait sur le feu parce qu'une partie d'entre eux est à haut risque de développer une maladie neurologique type Parkinson. Donc ils sont actuellement, on leur propose de rentrer dans des essais de suivi avec des imageries particulières, des ponctions lombaires, etc. L'espoir que ça suscite, c'est que ça donne une fenêtre de 6-7 ans avant le déclenchement de la maladie de Parkinson, où on va pouvoir tester des procédures thérapeutiques pour limiter ou arrêter le développement. Donc ça, c'est plutôt la partie, on va dire, neurologique de ces cauchemars agités. C'est aussi pour ça qu'il faut que les gens les connaissent, parce que voir un neurologue quand on a ce problème-là, ou un spécialiste du sommeil. Dors, Néo. Les réponses vont venir. Pourquoi je me réveillais pas ? Il restait du temps sur le minuteur. Et on se réveille d'un rêve que si on y meurt. Il lui faut un totem. Quoi ? Un totem. Trouve-toi un petit objet, éventuellement lourd, que tu peux garder sur toi en permanence et que Quoi ? Personne ne connaît. Une pièce de monnaie ? Non, non, non, il faut que ce soit plus distinctif que ça. Mais... Non. Non, si tu le touches, ça annule tout le bénéfice. Il n'y a que moi qui connais l'équilibre et le poids de ce détruquet particulier. Et du coup, quand tu regardes ton totem, tu peux être sûr et certain de ne pas être dans le rêve d'un autre. La pilule est un traceur autoprogrammé. On l'a conçu pour perturber les signaux d'entrée-sortie, ce qui nous permettra de te localiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mets ta ceinture, Alice, et bon voyage au pays des merveilles. Alors l'Académie américaine de médecine du sommeil s'entend à dire, a mis une limite en disant, voilà, si vous faites moins de 3 cauchemars par mois, on est de l'ordre d'une régulation émotionnelle qui fonctionne parfaitement bien. Par contre, à partir du moment où on en fait plus de 3 fois par semaine, soit plus d'une fois par semaine, et donc dans les cas les plus sévères, on a des personnes qui en souffrent de manière très intense, à avoir toutes les nuits des cauchemars, et plusieurs fois par nuit. Donc là, on est dans des cauchemars pathologiques. On a un indicateur, c'est si le cauchemar reste toujours le même, penché sur le même scénario. Si ça change pas trop le script du cauchemar, eh bien, ça aurait tendance à prédire le développement d'un état de stress post-traumatique. Oui, alors j'ai consulté pour des cauchemars. Je les faisais plusieurs fois par mois depuis 20 ans. Plus particulièrement depuis la mort de ma mère, et ses cauchemars pourrissaient ma vie. J'essayais physiquement de la sauver, et donc j'essayais de la porter. Et elle était devenue toute petite, toute maigre, une sorte d'être très malade, mais épouvantable, si vous voulez. Alors je la portais hors de l'eau, je la portais hors de l'hôpital, je la portais hors d'une tombe. Et je me réveillais la plupart des nuits en hurlant, en appelant ma mère, qui était morte quand même depuis près de 20 ans, et me hantait toute la journée. Alors j'étais déjà effectivement très, très, très déprimée par la disparition de ma mère, puisque je ne l'acceptais pas. Je me sentais aussi coupable parce que j'ai été médecin, j'ai peut-être influencé dans un sens ou dans un autre. On a eu la bonne idée de me demander si j'acceptais l'injection terminale. Ça fait partie des choses qu'on demande aux médecins. Voilà. J'ai répondu oui. Vous ne pouvez pas réagir de manière rationnelle quand il s'agit de votre mère. Je n'acceptais pas. Voilà, c'était un refus. Et puis, et je ne savais surtout pas comment sortir de ces images, puisqu'il y avait ces moments aigus, de désespoir. Donc j'essayais de m'en débarrasser, mais les rêves, les cauchemars revenaient d'une autre manière. J'ai été en psychothérapie, psychanalyse, psychothérapie, antidépresseurs, etc. Donc, on a commencé à travailler avec Benjamin Putois sur le rêve, l'imagerie. On a commencé au tout début par apprendre à faire de l'imagerie positive. il m'a fait décrire le rêve, et scène après scène, il a cherché l'antithèse des sentiments que je ressentais pour chaque scène. Et puis petit à petit, il m'a appris à transformer les scénarios de ces cauchemars. J'ai écrit ce nouveau scénario, et il a fallu que je le répète une ou deux fois par jour, mentalement, pendant une semaine ou deux. Voilà. Alors, travailler sur ces cauchemars et travailler avec la méthode d'imagerie Ruisseau Thérapie, c'est travailler sur ces scénarios-là. C'est d'avoir la force, le courage d'affronter ces vieilles histoires, ces horreurs, ces démons qu'on veut mettre au placard. C'est les affronter pour les réécrire, pour ensuite les répéter. C'est un lourd travail psychothérapeutique, ce n'est pas une thérapie qui est légère. Alors Madame B, elle a très bien procédé à la mise en œuvre de cette méthode. Initialement, le travail du rêve, pour reprendre un vocable utilisé par les psychanalystes qui prétendent que le travail du rêve, c'est maquiller des désirs inconscients. En neurosciences, le travail du rêve, c'est associer des images mentales positives à des images mentales neutres et négatives. C'est ça, le travail du rêve, tout en procédant à une relaxation corporelle. Eh bien, ce travail-là, on va le faire à l'état d'éveil. On va inviter le patient à prendre un scénario et puis il va scénariser des éléments positifs. Et le point le plus important, c'est qu'on n'en reste pas comme sur le divan à évoquer avec son psychologue le cauchemar sur le plan verbal, c'est qu'on va inviter les personnes à visualiser le nouveau scénario positif et surtout à le répéter. Alors pourquoi le répéter est quelque chose d'important dans cette thérapie ? Eh bien, c'est l'un des ingrédients, je dirais, sine qua non. Eh bien, au bout d'une dizaine de jours, le rêve qui va avoir lieu la nuit va puiser dans ces mémoires visuelles que vous avez activées préalablement. Et aujourd'hui, la seule méthode qui est recommandée scientifiquement pour le traitement des cauchemars, c'est celle-ci, c'est l'IRT, c'est l'imagerie mentale visuelle qui est répétée pendant 1 à 3 mois et qui procède à une efficacité thérapeutique, soit par une réduction de la fréquence des cauchemars, soit par une réduction de leur intensité émotionnelle. Ce psychologue m'aidait en me disant « Oui, mais alors on pourrait peut-être imaginer autre chose, qu'est-ce qui se passe après, etc. » Et donc il m'emmenait dans un autre monde avec ma mère, où tout se passait bien. Et là, à partir de là, je réécrivais ce scénario et j'y repensais. Et il m'est arrivé pour la première fois depuis 20 ans de rêver de ma mère comme une femme, une très belle femme qu'elle était, très souriante, et je rentrais toujours dans l'appartement, mais je trouvais ma mère sur le balcon en train de s'occuper des fleurs et nous avions une discussion très longue sur la vie, les échanges, la vie de manière positive, ce qui continue. Puis nous avions un dîner avec beaucoup de monde et c'était très gai, on se racontait nos souvenirs. Donc on a refait toute une histoire extraordinaire. C'est très difficile à dire, mais je peux vous dire qu'après ce travail, je n'ai plus fait ce cauchemar répétitif. Le rêve est un instant. C'est comme respirer ou marcher, quoi. On ne peut pas décider de ne pas rêver. Donc c'est un tourbillonnement brownien. Mais de quoi ? Des pensées, des idées, des images, de tout ça, hein ? De tous ces éléments de notre appareil mental, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un rêve, il est produit, ensuite il donne un récit de rêve. Ce récit de rêve, il peut hanter la personne, il peut la hanter pendant une grande partie de la journée, au point d'aller le raconter à quelqu'un qui donne une réponse et qui permet au rêve de s'accomplir. Donc c'est un processus qui commence au fond de la nuit et qui se termine dans le jour par la parole d'un tiers. Donc c'est à la fois un processus et en même temps une sorte d'appel à un autre. La mécanique des songes, avec Isabelle Arnulf, Toby Nathan, Margot Chalandon, Jacqueline Carrois, Claude Debru et Benjamin Putois. Prise de son, Arthur Gerbeau, Christophe Papon et Yves Le Hors. Mixage, Manu Couturier. Archivina, Aude Vassin. Documentaliste, Antoine Vulloz et Annie Signoret. Attaché de production, Marivonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervan. Merci à Madame B et Diane Jouvet. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.